Section 5 de Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Introduction. Premier mémoire. Je diviserai cette introduction en deux mémoires. Dans le premier, je peindrai l'histoire de Sparte et d'Athènes, à peu près au siècle d'Auguste, et je la conduirai jusqu'à nos jours. Dans le second, j'examinerai l'authenticité des traditions religieuses à Jérusalem. Spon, Weller, Fanelli, Chandler et Leroy ont, il est vrai, parlé du sort de la Grèce dans le Moyen-Âge. Mais le tableau tracé par ces savants hommes est bien loin d'être complet. Ils se sont contentés d'effets généraux, sans se fatiguer à débrouiller la Byzantine. Ils ont ignoré l'existence de quelques voyages au Levant. En profitant de leurs travaux, je tâcherai de suppléer à ce qu'ils ont omis. Quant à l'histoire de Jérusalem, elle ne présente aucune obscurité dans les siècles barbares. Jamais on ne perd de vue la ville sainte. Mais lorsque les pèlerins vous disent « Nous nous rendîmes au tombeau de Jésus-Christ, nous entrâmes dans la grotte où le Sauveur du monde répandit une sueur de sang, etc., etc. » un lecteur peu crédule pourrait s'imaginer que les pèlerins sont trompés par des traditions incertaines. Or, c'est un point de critique que je me propose de discuter dans le second mémoire de cette introduction. Je viens à l'histoire de Sparte et d'Athènes. Lorsque les Romains commencèrent à se montrer dans l'Orient, Athènes se déclara leur ennemi. Et Sparte embrassa leur fortune. Scylla brûla le Pirée et Munichi. Il saccagea la ville de Cécrops et fit un si grand massacre des citoyens que le sang, dit Plutarque, remplit tout le céramique et regorgea par les pores. Dans les guerres civiles de Rome, les Athéniens suivirent le parti de Pompée, qui leur semblait être celui de la liberté. Les Lacédémoniens s'attachèrent à la destinée de César. Celui-ci refusa de se venger d'Athènes. Sparte, fidèle à la mémoire de César, combattit contre Brutus à la bataille de Philippe. Brutus avait promis le pillage de Lacédémone à ses soldats en cas qu'il obtint la victoire. Les Athéniens élevèrent des statues à Brutus, s'unirent à Antoine et furent punis par Auguste. 4 ans avant la mort de ce prince, ils se révoltèrent contre lui. Athènes demeura libre pendant le règne de Tibère. Sparte vint plaider et perdre à Rome une petite cause contre les Messéniens, autrefois ses esclaves. Il s'agissait de la possession du temple de Diane, l'Hymnatide, précisément cette Diane dont la fête donna naissance aux guerres messéniaques. Si l'on fait vivre Strabon sous Tibère, la description de Sparte et d'Athènes par ce géographe se rapportera au temps dont nous parlons. Lorsque Germanicus passa chez les Athéniens, par respect pour leur ancienne gloire, il se dépouilla des marques de la puissance et marcha précédé d'un seul licteur. Pomponius Mela écrivait vers le temps de l'empereur Claude. Il se contente de nommer Athènes en décrivant le côté de l'Attique. Néron visita la Grèce, mais il n'entra ni dans Athènes ni dans Lacédémone. Vespasien réduisit l'Achaïe en province romaine et lui donna pour gouvernement un proconsul. Pline l'Ancien, aimé de Vespasien et de Titus, parla sous ses princes de divers monuments de la Grèce. Apollonius de Tyane, pendant le règne de Domitien, trouva les lois de Lycurgue en vigueur à Lacédémone. Nerva favorisa les Athéniens. Les monuments d'Hérode Atticus et le voyage de Pausanias sont à peu près de cette époque. Pline le Jeune, sous Trajan, exhorte Maxime, proconsul d'Achaïe, à gouverner Athènes et la Grèce avec équité. Adrien rétablit les monuments d'Athènes, acheva le temple de Jupiter Olympien, bâtit une nouvelle ville auprès de l'ancienne, et fit refleurir dans la Grèce les sciences, les lettres et les arts. Antonin et Marc Aurèle comblèrent Athènes de bienfaits. Le dernier s'attacha surtout à rendre à l'Académie son ancienne splendeur. Il multiplia les professeurs de philosophie, d'éloquence et de droit civil, et en porta le nombre jusqu'à 13. 2 platoniciens, 2 péripatéticiens, 2 stoïciens, 2 épicuriens, 2 rhéteurs, de professeur de droit civil et un préfet de la jeunesse. Lucien, qui vivait alors, dit qu'Athènes était rempli de longues barbes, de manteaux, de bâtons et de besaces. Le Polyhistore de Solon parut vers la fin de siècle. Solon décrit plusieurs monuments de la Grèce. Il n'a pas copié Pline le naturaliste aussi servilement qu'on s'est plu à le répéter. Sévère priva Athènes d'une partie de ses privilèges, pour la punir de s'être déclarée en faveur de Pescennius Niger. Sparte, tombée dans l'obscurité, tandis qu'Athènes attire encore les regards du monde, mérita la honteuse estime de Caracalla. Ce prince avait dans son armée un bataillon de lacédémoniens et une garde de spartiates auprès de sa personne. Les Scythes, ayant envahi la Macédoine, au temps de l'empereur Galien, mirent le siège devant Thessalonique. Les Athéniens, effrayés, se hâtèrent de relever les murs que Scylla avait abattus. Quelques années après, les Hérules pillèrent Sparte, Corinthe et Argos. Athènes fut sauvée par la bravoure d'un de ses citoyens nommé Dexippe, également connu dans les lettres et dans les armes. L'Arconta fut aboli à cette époque. Le stratège, inspecteur de l'agora ou du marché, devint le premier magistrat d'Athènes. Les Goths prirent cette ville sous le règne de Claude II. Ils voulurent brûler les bibliothèques. Mais un des barbares s'y opposa. « Conservons, dit-il, ces livres qui rendent les Grecs si faciles à vaincre et qui leur ôtent l'amour de la gloire. » Cléodème, athénien échappé au malheur de sa patrie, rassembla des soldats, fondit sur les Goths, en tua un grand nombre et dispersa le reste. Il prouva aux Goths que la science n'exclut pas le courage. Athènes se remit promptement de ce désastre, quand on la voit peu de temps après offrir des honneurs à Constantin et en recevoir des grâces. Ce prince donna au gouverneur de l'Attique le titre de grand-duc, titre qui, se fixant dans une famille, devint héréditaire et finit par transformer la République de Solon en une principauté gothique. Pitte, évêque d'Athènes, parut au concile de Nicée. Constance, successeur de Constantin, après la mort de ses frères Constantin et Constant, fit présent de plusieurs îles à la ville d'Athènes. Julien, élevé parmi les philosophes du portique, ne s'éloigna d'Athènes qu'en versant des larmes. Les Grégoire, les Cyrille, les Basile, les Chrysostomes puisèrent leur sainte éloquence dans la patrie de Démosthène. Sous le règne du grand Théodose, les Goths ravagèrent l'Épire et la Thessalie. Ils se préparaient à passer dans la Grèce, mais ils en furent écartés par Théodore, général des Achéens. Athènes reconnaissante éleva une statue à son libérateur. Honorius et Arcadius tenaient les rênes de l'Empire lorsque Alaric pénétra dans la Grèce. Sosime raconte que le conquérant aperçut, en approchant d'Athènes, Minerve qui le menaçait du haut de la citadelle et Achille qui se tenait debout sur les remparts. Si l'on en croit le même historien, Alaric ne saccagea pas une ville que protégeaient les héros et les dieux, mais ce récit a bien l'air d'une fable. Synésius, plus près de l'événement que Sosime, compare Athènes incendiée par les Goths à une victime que la flamme a dévorée et dont il ne reste plus que les ossements. On croit que le Jupiter de Phidias périt dans cette invasion des barbares. Corinthe, Argos, les villes de l'Arcadie, de l'Élide et de la Laconie éprouvèrent le sort d'Athènes. Sparte, si fameuse, dit encore Sosime, ne put être sauvée. Ses citoyens l'abandonnèrent et ses chefs la trahirent. Ses chefs, vils ministres des tyrans injustes et débauchés qui gouvernaient l'État. Stilicon, en venant chasser Alaric du Péloponnèse, acheva de désoler cet infortuné pays. Athénaïs, fille de Léonce, le philosophe, connue sous le nom d'Eudoxie, était née à Athènes et elle épousa Théodose le Jeune. Pendant que Léonce tenait les rênes de l'Empire d'Orient, Genséric se jeta de nouveau sur l'Achaïe. Procope ne nous dit point quel fut le sort de Sparte et d'Athènes dans cette nouvelle invasion. Le même historien fait ainsi la peinture des ravages des barbares dans son Histoire secrète. Depuis que Justinien gouverne l'Empire, la Thrace, la Chersonèse, la Grèce et tout le pays qui s'étend entre Constantinople et le golfe d'Ionie ont été ravagés chaque année par les Hantes, les Slavons et les Huns. Plus de 200 000 Romains ont été tués ou faits prisonniers à chaque invasion des barbares et les pays que j'ai nommés sont devenus semblables au désert de la Scythie. Justinien fit réparer les murailles d'Athènes, élever des tours sur l'isthme de Corinthe. Dans la liste des villes que ce prince embellit et fortifia, Procope ne cite point Lacédémone. On remarque auprès des empereurs d'Orient une garde laconienne ou zaconienne, selon la prononciation alors introduite. Cette garde, armée de piques, portait une espèce de cuirasse ornée de figures de lions. Le soldat était vêtu d'une casaque de drap et couvrait sa tête d'un capuchon. Le chef de cette milice s'appelait Stratopédarca. L'Empire d'Orient avait été divisé en gouvernements appelés Thémata. Lacédémone devint l'apanage des frères ou des fils aînés de l'empereur. Les princes de Sparte prenaient le titre de despote, leurs femmes s'appelaient Despoénès et le gouvernement Despota. Le despote résidait à Sparte ou à Corinthe. Ici commence le long silence de l'histoire sur le pays le plus fameux de l'univers. Spon et Chandler perdent Athènes de vue pendant 700 ans. Soit dit Spon à cause du défaut de l'histoire, qui est courte et obscure dans ces siècles-là, ou que la fortune lui eût accordé ce long repos. Cependant, on découvre dans le cours de ces siècles quelques traces de Sparte et d'Athènes. Nous retrouvons d'abord le nom d'Athènes dans Théophylacte, Simocate, historien de l'empereur Maurice. Il parle des muses qui brillent à Athènes dans leurs plus superbes habits, ce qui prouve que vers l'an 590, Athènes était encore le séjour des muses. L'anonyme de Ravenne, écrivain go, qui vivait vraisemblablement au 7e siècle, nomme trois fois Athènes dans sa géographie. Encore n'avons-nous de cette géographie qu'un extrait mal fait par Galatéus. Sous Michel III, les esclavons se répandirent dans la Grèce. Théoctiste les bâtit et les poussa jusqu'au fond du Péloponnèse. Deux hordes de ces peuples, les Ésérites et les Mylinges, se cantonnèrent à l'Orient et à l'Occident du Tégète, qui se nommait dès lors Pentadactyle. Quoi qu'en dise Constantin Porphyrogénète, ces esclavons sont les ancêtres des Magnotes, et ceux-ci ne sont point les descendants des anciens Spartiates, comme on le soutient aujourd'hui, sans savoir que ce n'est qu'une opinion ridicule de Constantin Porphyrogénète. Ce sont sans doute ces esclavons qui changèrent le nom d'Amyclée en celui de Sclabo-Corion. Nous lisons dans Léon le Grammairien que les habitants de la Grèce, ne pouvant plus supporter les injustices de Casès, fils de Job et préfet d'Achaïe, le lapidèrent dans une église d'Athènes pendant le règne de Constantin VII. Sous Alexis Comnène, quelque temps avant les croisades, nous voyons les Turcs ravager les îles de l'archipel et toutes les côtes de l'Occident. Dans un combat entre les Pisans et les Grecs, un comte, natif du Péloponnèse, signala son courage vers l'an 1085. Ainsi, le Péloponnèse ne portait point encore le nom de Morée. Les guerres d'Alexis Comnène, de Robert et de Bohémond eurent pour théâtre l'Épire et la Thessalie et ne nous apprennent rien de la Grèce proprement dite. Les premiers croisés passèrent aussi à Constantinople sans pénétrer dans l'Achaïe. Mais sous le règne de Manuel Comnène, successeur d'Alexis, les rois de Sicile, les Vénitiens, les Pisans et les autres peuples occidentaux se précipitèrent sur le Péloponnèse et sur l'Attique. Roger Ier, roi de Sicile, transporta à Palerme les artisans d'Athènes, habiles dans la culture de la soie. C'est à peu près à cette époque que le Péloponnèse changea son nom en celui de Morée. Du moins, je trouve ce nom employé par l'historien Nicétas. Il est probable que les vers à soie venant à se multiplier dans l'Orient, on fut obligé de multiplier les mûriers. Le Péloponnèse prit son nouveau nom de l'arbre qui faisait sa nouvelle richesse. Roger s'empara de Corfou, de Thèbes et de Corinthe, et eut la hardiesse, dit Nicétas, d'attaquer les villes les plus avancées dans le pays. Mais selon les historiens de Venise, les Vénitiens secoururent l'empereur d'Orient, battirent Roger et l'empêchèrent de prendre Corinthe. Ce fut en raison de ce service qu'ils prétendirent, deux siècles après, avoir des droits sur Corinthe et sur le Péloponnèse. Il faut rapporter à l'an 1170 le voyage de Benjamin de Tudèle en Grèce. Il traversa Patras, Corinthe et Thèbes. Il trouva dans cette dernière ville 2000 juifs qui travaillaient aux étoffes de soie et s'occupaient de la teinture en pourpre. Eustache était alors évêque de Thessalonique. Les lettres étaient donc encore cultivées avec succès dans leur patrie, puisque cet Eustache est le célèbre commentateur d'Homère. Les Français, ayant à leur tête Boniface, marquis de Montferrat, et Baudouin, comte de Flandre. Les Vénitiens, sous la conduite de Dandolo, chassèrent Alexis de Constantinople, rétablirent Isaac l'Ange sur le trône. Ils s'emparèrent bientôt de la couronne pour leur propre compte. Baudouin, comte de Flandre, eut l'Empire, et le marquis de Montferrat fut déclaré roi de Thessalonique. Dans ce temps-là, un petit tyran de la Morée appelé Sgur, et natif de Napoli de Romanie, vint mettre le siège devant Athènes. Il en fut repoussé par l'archevêque Michel Acomina Coniat, frère de l'historien Nicétas. Cet archevêque avait composé un poème, dans lequel il comparait l'Athènes de Périclès à l'Athènes du XIIe siècle. Il reste encore quelques vers de ce poème manuscrit in quarto, numéro 963, page 116, à la Bibliothèque royale. Quelque temps après, Athènes ouvrit ses portes au marquis de Montferrat. Boniface donna l'investiture de la seigneurie de Thèbes et d'Athènes à Othon de la Roche. Les successeurs d'Othon prirent le titre de duc d'Athènes et de grand sire de Thèbes. Au rapport de Nicétas, le marquis de Montferrat porta ses armes jusqu'au fond de la Morée. Il se saisit d'Argos et de Corinthe, mais il ne put s'emparer du château de cette dernière ville où Léon Sgur se renferma. Tandis que Boniface continuait ses succès, un coup de vent amenait d'autres Français à Meudon. Geoffroy de Villehardouin, qui les commandait et qui revenait de la Terre Sainte, se rendit auprès du marquis de Montferrat, alors occupé au siège de Napoli. Geoffroy, bien reçu de Boniface, entreprit avec Guillaume de Champlitte la conquête de la Morée. Le succès répondit aux espérances. Toutes les villes se rendirent aux deux chevaliers, à l'exception de Lacédémone, où régnait un tyran nommé Léon Chamarette. Peu de temps après, la Morée fut remise aux Vénitiens. Elle leur appartenait, d'après le traité général conclu à Constantinople, entre les croisés. Le corsaire génois, Léon de Scutrano, se rendit maître un moment de Coron et de Meudon, mais il en fut bientôt chassé par les Vénitiens. Guillaume de Champlitte prit le titre de prince d'Achaïe. À la mort de Guillaume, Geoffroy de Villehardouin hérita des biens de son ami et devint prince d'Achaïe et de Morée. La naissance de l'Empire ottoman se rapporte à peu près au temps dont nous parlons. Soliman Shah sortit des solitudes des Tatars augusiens vers l'an 1214 et s'avança vers l'Asie mineure. Démétrius Cantemir, qui nous a donné l'histoire des Turcs d'après les auteurs originaux, mérite plus de confiance que Paul Jauve et les auteurs grecs, qui confondent souvent les Sarrasins avec les Turcs. Le marquis de Montferrat ayant été tué, sa veuve fut déclarée régente du royaume de Thessalonique. Athènes, lasse apparemment d'obéir à Othon de la Roche ou à ses descendants, voulut se donner aux Vénitiens, mais elle fut traversée dans ce dessein par Magadus, tyran de Morée. Ainsi la Morée avait vraisemblablement secoué le joug de Villehardouin ou des Vénitiens. Ce nouveau tyran, Magadus, avait sous lui d'autres tyrans, car outre Léon Sgur, déjà nommé, on trouve un Étienne, pêcheur, Signore di molti stati nelia Morea, dit Giacomo Diedo. Théodore Lascaris reconquit sur les Francs une partie de la Morée. La lutte entre les empereurs latins d'Orient et les empereurs grecs retirés en Asie dura 57 années. Guillaume de Villehardouin, successeur de Geoffroy, était devenu prince d'Achaïe. Il tomba entre les mains de ce Michel Paléologue, empereur grec, qui rentra dans Constantinople au mois d'août de l'année 1261. Pour obtenir sa liberté, Guillaume céda à Michel les places qu'il possédait en Morée. Il les avait conquis sur les Vénitiens et sur les petits princes qui s'élevaient et disparaissaient tour à tour. Ces places étaient Monambasie, Maïna, Hieras et Misitra. C'est la première fois qu'on lit ce nom de Misitra. Pachymère l'écrit sans réflexion, sans étonnement et presque sans y penser, comme si cette Misitra, petite seigneurie d'un gentilhomme français, n'était pas l'héritière de Lacédémone. Nous avons vu un peu plus haut Lacédémone paraître sous son ancien nom, lorsqu'elle était gouvernée par Léon Chamarette. Misitra fut donc pendant quelque temps contemporaine de Lacédémone. Guillaume céda encore à l'empereur Michel Anaplion et Argos. La contrée de Giusterne demeura en contestation. Guillaume et ce même prince de Morée dont parle le sire de Joinville, l'or vint, avec mainte armeur dorée, celui qui prince est de Morée. Diédo le nomme Guillaume Ville, en retranchant ainsi la moitié du nom. Pachymère nomme vers ce temps-là un certain Théodose, moine de Morée, qui, dit l'historien, était issu de la race des princes de ce pays. Nous voyons aussi l'une des sœurs de Jean, héritier du trône de Constantinople, épouser Mathieu de Valincourt, français venu de Morée. Michel fit équiper une flotte et reprit les îles de Naxos, de Paros, de Céos, de Cariste et d'Orée. Il s'empara en même temps de Lacédémone, différente ainsi de Misitra, cédée à l'empereur pour la rançon du prince d'Achaïe. On voit des Lacédémoniens servir sur la flotte de Michel. Ils avaient, disent les historiens, été transférés de leur pays à Constantinople en considération de leur valeur. L'empereur fit ensuite la guerre à Jean Ducas Sébastocrator, qui s'était soulevé contre l'Empire. Ce Jean Ducas était fils naturel de Michel, despote d'Occident. Michel l'assiégea dans la ville de Durand. Jean trouva le moyen de s'enfuir à Thèbes, où régnait un prince, Sir Jean, que Pachymère appelle « grand seigneur de Thèbes », et qui était peut-être un descendant d'Othon de la Roche. Ce Sir Jean fit épouser à son frère Guillaume la fille de Jean, bâtard du despote d'Occident. 6 ans après, un prince issu de l'illustre famille des princes de Morée disputa avec Cus le patriarcat de Constantinople. Jean, prince de Thèbes, mourut. Son frère Guillaume fut son héritier. Guillaume devint aussi, par sa femme, petite-fille du despote d'Occident, prince d'une partie de la Morée, car le despote d'Occident, en dépit des Vénitiens et du prince d'Achaïe, s'était emparé de cette belle province. Andronique, après la mort de Michel, son père, monta sur le trône d'Orient. Nicéphore, despote d'Occident et fils de ce Michel, despote qui avait conquis la Morée, suivit Michel empereur dans la tombe. Il laissa pour héritier un fils nommé Thomas et une fille appelée Itamur. Celle-ci épousa Philippe, petit-fils de Charles, roi de Naples. Elle lui apporta en mariage plusieurs villes et une grande étendue de pays. Il est donc probable que les Siciliens eurent alors quelques possessions en Morée. Vers ce temps, je trouve une princesse d'Achaïe, veuve et fort avancée en âge, qu'Andronique voulait marier à son fils Jean, despote. Cette princesse était peut-être la fille ou même la femme de Guillaume, prince d'Achaïe, que nous avons vu faire la guerre à Michel, père d'Andronique. Quelques années après, un tremblement de terre ébranla Modon et plusieurs autres villes de la Morée. Athènes vit alors arriver de l'Occident de nouveaux maîtres, des Catalans cherchant aventure sous la conduite de Ximénès, de Roger et de Béranger, vinrent offrir leur service à l'empereur d'Orient. Mécontents d'Andronique, ils tournèrent leurs armes contre l'Empire. Ils ravagèrent l'Achaïe et mirent Athènes au nombre de leurs conquêtes. C'est alors, et non pas plus tôt, qu'on y voit régner Delphes, prince de la maison d'Aragon. L'histoire ne dit point s'il trouva les héritiers d'Othon de la Roche en possession de l'Attique et de la Béotie. L'invasion de la Morée par Amurat, fils d'Orcan, doit être placée sous la même date. On ignore quel en fut le succès. Les empereurs Jean Paléologue et Jean Cantacuzène voulurent porter la guerre dans l'Achaïe. Ils y étaient invités par l'évêque de Coronée et par Jean Sidère, gouverneur de plusieurs villes. Le grand-duc Apocoque, qui s'était révolté contre l'empereur, pilla la Morée et y mit tout à feu et à sang. Régnier Acciaiuoli, florentin, chassa les Catalans d'Athènes. Il gouverna cette ville pendant quelque temps, et n'ayant point d'héritier légitime, il la laissa par testament à la République de Venise. Mais Antoine, son fils naturel, qu'il avait établi à Thèbes, enleva Athènes aux Vénitiens. Antoine, prince de l'Attique et de la Béotie, eut pour successeur un de ses parents nommé Nérius. Celui-ci fut chassé de ses états par son frère Antoine II. Il ne rentra dans sa principauté qu'après la mort de l'usurpateur. Bajazet faisait alors trembler l'Europe et l'Asie. Il menaçait de se jeter sur la Grèce. mais je ne vois nulle part qu'il se soit emparé d'Athènes, comme le disent Spon et Chandler, qui ont d'ailleurs confondu l'ordre des temps en faisant arriver les Catalans dans l'Attique après le prétendu passage de Bajazet. Quoi qu'il en soit, la frayeur que ce prince répandit en Europe produisit un des événements les plus singuliers de l'histoire. Théodore Porphyrogénète, despote de Sparte, était frère d'Andronique et d'Emmanuel, tour à tour empereur de Constantinople. Bajazet menaçait la Morée d'une invasion. Théodore, ne croyant pas pouvoir défendre sa principauté, voulut la vendre au chevalier de Rhodes. Philibert de Nayac, prieur d'Aquitaine et grand maître de Rhodes, acheta, au nom de son ordre, le despotat de Sparte. Il y envoya deux chevaliers français, Raymond de Laitour, prieur de Toulouse, et Élie du Fossé, commandeur de Sainte-Maxence, prendre possession de la patrie de Lycurgue. Le traité fut rompu parce que Bajazet, obligé de repasser en Asie, tomba entre les mains de Tamerlan. Les deux chevaliers qui s'étaient déjà établis à Corinthe rendirent cette ville, et Théodore remit de son côté l'argent qu'il avait reçu pour le prix de Lacédémone. Le successeur de Théodore fut un autre Théodore, neveu du premier et fils de l'empereur Emmanuel. Théodore II épousa une Italienne de la maison de Malatesta. Les chefs de cette illustre maison prirent dans la suite, à cause de cette alliance, le titre de duc de Sparte. Théodore laissa à son frère Constantin, surnommé Dragazès, la principauté de la Laconie. Ce Constantin qui monta sur le trône de Constantinople fut le dernier empereur d'Orient. Tandis qu'il n'était encore que prince de Lacédémone, Amurat II envahit la Morée et se rendit maître d'Athènes. Mais cette ville retourna promptement sous la domination de la famille régnée Assiagoûli. L'empire d'Orient n'existait plus, et les derniers restes de la grandeur romaine venaient de s'évanouir. Mahomet II était entré à Constantinople. Toutefois, la Grèce, menacée d'un prochain esclavage, ne portait point encore les chaînes qu'elle se hâta de demander aux musulmans. Francus, fils du second Antoine, appela Mahomet II à Athènes pour dépouiller la veuve de Nérius. Le sultan, qui faisait servir ses querelles intestines à l'accroissement de sa puissance, favorisa le parti de Francus et relégua la veuve de Nérius à Mégare. Francus la fit empoisonner. Cette malheureuse princesse avait un jeune fils, qui porta à son tour ses plaintes à Mahomet. Celui-ci, vengeur intéressé du crime, ôta l'Attique à Francus et ne lui laissa que la Béotie. Ce fut en 1455 qu'Athènes passa sous le joug des barbares. On dit que Mahomet parut enchanté de la ville, qu'il ne ravagea point et qu'il visita avec soin la citadelle. Il exempta de toute imposition le couvent de Tsiriani, situé sur le mont Hymet, parce que les clés d'Athènes lui furent présentées par l'abbé de ce couvent. Francus, assis à Juoli, fut mis à mort quelque temps après pour avoir conspiré contre le sultan. Il ne nous reste plus à connaître que le sort de Sparte, ou plutôt de Misitra. J'ai dit qu'elle était gouvernée par Constantin, surnommé Dragazès. Ce prince, étant allé prendre à Constantinople la couronne qu'il perdit avec la vie, partagea la Morée entre ses deux frères, Démétrius et Thomas. Démétrius s'établit à Misitra, et Thomas à Corinthe. Les deux frères se firent la guerre et eurent recours à Mahomet, meurtrier de leur famille et destructeur de leur empire. Les Turcs chassèrent d'abord Thomas de Corinthe. Il s'enfuit à Rome en emportant le chef de Saint-André, qu'il enleva à la ville de Patras. Mahomet vint alors à Misitra. Il engagea le gouverneur à lui remettre la citadelle. Ce malheureux se laissa séduire. Il se livra aux mains du sultan, qui le fit scier par le milieu du corps. Démétrius fut exilé à Andrinople, et sa fille devint la femme de Mahomet. Ce conquérant estima et craignit assez cette jeune princesse pour ne pas l'admettre à sa couche. 3 ans après cet événement, Sigismond Malatesta, prince de Rimini, vint mettre le siège devant Misitra. Il emporta la ville, mais il ne put prendre le château et il se retira en Italie. Les Vénitiens descendirent au Pirée en 1464, surprirent Athènes, la pillèrent et se réfugièrent en Eubée avec leur butin. Sous le règne de Soliman, ils ravagèrent la Morée et s'emparèrent de Coron. Ils en furent peu après chassés par les Turcs. Ils conquirent de nouveau Athènes et toute la Morée en 1688. Ils reperdirent la première presque aussitôt, mais ils gardèrent la seconde jusqu'à l'an 1715, qu'elle retourna au pouvoir des musulmans. Catherine II, en soulevant le Péloponnèse, fit faire à ce malheureux pays un dernier et inutile effort en faveur de la liberté. Je n'ai point voulu mêler aux dates historiques les dates des voyages en Grèce. Je n'ai cité que celui de Benjamin de Tudèle. Il remonte à une si haute antiquité et il nous apprend si peu de choses qu'il pouvait être compris sans inconvénient dans la suite des faits et annales. Nous venons donc maintenant à la chronologie des voyages et des ouvrages géographiques. Aussitôt qu'Athènes, esclave des musulmans, disparaît dans l'histoire moderne, nous voyons commencer pour cette ville un autre ordre d'illustrations plus digne de son ancienne renommée. En cessant d'être le patrimoine de quelques princes obscurs, elle reprit pour ainsi dire son antique empire et appela tous les arts à ses vénérables ruines. Dès l'an 1465, Francesco Giambetti dessina quelques monuments d'Athènes. Le manuscrit de cet architecte était en vélin et se voyait à la bibliothèque Barberini à Rome. Il contenait, entre autres choses curieuses, le dessin de la Tour des Vents à Athènes et celui des masures de Lacédémone à 4 ou 5 milles de Misitra. Spon observe à ce sujet que Misitra n'est point sur l'emplacement de Sparte comme l'avait avancé Guillet, d'après Sophie Anous, Niger et Ortelius. Spon ajoute « J'estime le manuscrit de Giambetti d'autant plus curieux que les dessins en ont été tirés avant que les Turcs se fussent rendus maîtres de la Grèce et eussent ruiné plusieurs beaux monuments qui étaient alors en leur entier. » L'observation est juste quant aux monuments, mais elle est fausse quant aux dates. Les Turcs étaient maîtres de la Grèce en 1465. Nicolas Gerbel publia à Bâle, en 1550, son ouvrage intitulé « Pro declaratione picturae sive descriptionis Graeciae Sophiani Libri Septem ». Cette description, excellente pour le temps, est claire, courte et pourtant substantielle. Gerbel ne parle guère que de l'ancienne Grèce. Quant à Athènes moderne, il dit « Aeneas, Silius Athenas, odie parvi opiduli, speciem gerere dicit, cuius munitissimam haduc, arcem Florentinus, quidam Mahometi tradiderit, ut nimis vere oidius dixerit, quid pandionae restant, nisi nomen Athenae, horerum humanarum miserabiles vices. O tragicam humanae potentiae permutationem, quivitas olim muris, navalibus, edificiis, armis, opibus, viris, prudentia atque omni sapientia florentissima, in opidulum, seu potius vicum, reducta est. Olim libera, et suis legibus vivens, nunc himanissimis beluis, servitutis jugo obstricta, proficiscere Athenas et pro magnificentissimis operibus, videto rudera et lamentabiles ruinas. Noli. Noli nimium fidere viribus tuis, sed in heum confidito qui dicit ego dominus deus vester. Cette apostrophe d'un vieux et respectable savant aux ruines d'Athènes est très touchante. Nous ne saurions avoir trop de reconnaissance pour les hommes qui nous ont ouvert les routes de la belle antiquité. Dupinet soutenait qu'Athènes n'était plus qu'une petite bourgade exposée aux ravages des renards et des loups. Lorenberg, dans sa description d'Athènes, s'écrit « Fuit quandam Graecia, fuerunt Athenae, nunc neque in Graecia, Athenae, neque ipsa Graecia, Graecia est. » Ortelius, surnommé le Ptolémée de son temps, donna quelques nouveaux renseignements sur la Grèce dans son Theatrum Orbis Terrarum et dans sa Synonyma Geographica, réimprimé sous le titre de Theosaurus Geographicus. Mais il confond mal à propos Sparte et Misitra. Il croyait aussi qu'il n'y avait plus à Athènes qu'un château et quelques chaumières. Nunc casulae tantum super sunt quaedam. Martin Crusius, professeur de grec et de latin à l'université de Tubingue, vers la fin du XVIe siècle, s'informa diligemment du sort du Péloponnèse et de l'Attique. Ses 8 livres intitulés Turco Graecia rendent compte de l'état de la Grèce depuis l'année 1444 jusqu'au temps où Crusius écrivait. Le premier livre contient l'histoire politique et le second l'histoire ecclésiastique de cet intéressant pays. Les 6 autres livres sont composés de lettres adressées à différentes personnes par des Grecs modernes. 2 de ces lettres contiennent quelques détails sur Athènes qui méritent d'être connus. Toi sophoi kai aristoi, kaita loipa. Au docte Martin Crusius, professeur des lettres grecques et latines à l'université de Tubingue et très cher en Jésus-Christ. Moi qui suis né à Nauplia, ville du Péloponnèse, peu éloignée d'Athènes, j'ai souvent vu cette dernière ville. J'ai recherché avec soin les choses qu'elle renferme, l'aréopage, l'antique académie, le lycée d'Aristote, enfin le Panthéon. Cet édifice est le plus élevé et surpasse tous les autres en beauté. On y voit, en dehors, sculptée tout autour, l'histoire des Grecs et des dieux. On remarque surtout, au-dessus de la porte principale, des chevaux qui paraissent vivants et qu'on croirait entendre hennir. On dit qu'ils sont l'ouvrage de Praxitèle. L'âme et le génie de l'homme ont passé dans la pierre. Il y a dans ce lieu plusieurs autres choses dignes d'être vues. Je ne parle point de la colline opposée sur laquelle fleurissent des simples de toute espèce, utiles à la médecine, colline que j'appelle le jardin d'Adonis. Je ne parle pas non plus de la douceur de l'air, de la bonté des eaux et des autres agréments d'Athènes. D'où il arrive que ses habitants, tombés maintenant dans la barbarie, conservent toutefois quelques souvenirs de ce qu'ils ont été. On les reconnaît à la pureté de leur langage. Comme des sirènes, ils charment ceux qui les écoutent par la variété de leurs accents. Mais pourquoi parlerais-je davantage d'Athènes? La peau de l'animal reste, l'animal lui-même a péri. Constantinople, 1575. À jamais votre ami Théodore Zygomalas, protonotaire de la grande église de Constantinople. Cette lettre fourmille d'erreurs, mais elle est précieuse à cause de l'ancienneté de sa date. Zygomalas fit connaître l'existence du temple de Minerve, que l'on croyait détruit, et qu'il appelle mal à propos le Panthéon. La seconde lettre, écrite à Crusius par un certain Cabasilas de la ville d'Acarnanie, ajoute quelque chose au renseignement du proto-notaire. Athènes était composée autrefois de 3 parties également peuplées. Aujourd'hui, la première partie, située dans un lieu élevé, comprend la citadelle et un temple dédié aux dieux inconnus. Cette première partie est habitée par les Turcs. Entre celle-ci et la troisième se trouve la seconde partie, où sont réunis les chrétiens. Après cette seconde partie vient la troisième, sur la porte de laquelle on lit cette inscription « C'est ici, Athènes, l'ancienne ville de Thésée ». On voit dans cette dernière partie un palais revêtu de grands marbres et soutenu par des colonnes. On y voit encore des maisons habitées. La ville entière peut avoir 6 ou 7 000 de tours. Elle compte environ 12 000 citoyens. Siméon Cabasilas, de la ville d'Acarnanie. On peut remarquer 4 choses importantes dans cette description. Premièrement, le Parthénon avait été dédié par les chrétiens au dieu inconnu de saint Paul. Spon chicane mal à propos Guillet sur cette dédicace. Déae l'a cité dans son voyage. Deuxièmement, le temple de Jupiter olympien, le palais revêtu de marbre, existait en grande partie du temps de Cabasilas. Tous les autres voyageurs n'en ont vu que les ruines. Troisièmement, Athènes était divisée comme elle l'est encore aujourd'hui. Mais elle contenait 12 000 habitants, et elle n'en a plus que 8 000. On voyait plusieurs maisons vers le temple de Jupiter olympien. Cette partie de la ville est maintenant déserte. Quatrièmement, enfin la porte avec l'inscription. C'est ici, Athènes, l'ancienne ville de Thésée. A subsisté jusqu'à nos jours, on lit sur l'autre face de cette porte, du côté de l'Adrianopolis ou de la Thénaé Novae, c'est ici la ville d'Adrien et non pas la ville de Thésée. Avant l'apparition de l'ouvrage de Martin Crusius, Belon avait publié, 1555, ses observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grèce. Je n'ai point cité son ouvrage parce que le savant botaniste n'a parcouru que les îles de l'archipel, le mont Athos et une petite partie de la Thrace et de la Macédoine. D'Anville, en les commentant, a rendu célèbres les travaux de Dehé à Jérusalem. Mais on ignore généralement que Dehé est le premier voyageur moderne qui nous ait parlé de la Grèce proprement dite. Son ambassade en Palestine a fait oublier sa course à Athènes. Il visita cette ville entre l'année 1621 et l'année 1630. Les amateurs de l'Antiquité seront bien aises de trouver ici le passage original du premier voyage à Athènes, car les lettres de Zygomalas et de Cabasilas ne peuvent pas être appelées des voyages. De Mégare jusqu'à Athènes, il n'y a qu'une petite journée, qui nous dura moins que si nous n'eussions marché que 2 lieues. Il n'y a jardin en bois de haute futaie qui contente davantage la vue que fait ce chemin. L'on va par une grande plaine, toute remplie d'oliviers et d'orangers, ayant la mer à main droite et les collines à main gauche, d'où partent tant de beaux ruisseaux qu'il semble que la nature se soit efforcée à rendre ce pays aussi délicieux. La ville d'Athènes est située sur la pente et aux environs d'un rocher, qui est assis dans une plaine, laquelle est bornée par la mer qu'elle a au midi et par les montagnes agréables qui l'enferment du côté du septentrion. Elle n'est pas la moitié si grande qu'elle était autrefois, ainsi que l'on peut voir par les ruines, à qui le temps a fait moins de mal que la barbarie des nations qui ont tant de fois pillé et saccagé cette ville. Les bâtiments anciens qui y restent témoignent la magnificence de ceux qui les ont faits, car le marbre n'y est point épargné, non plus que les colonnes et les pilastres. Sur le haut du rocher est le château, dont les Turcs se servent encore aujourd'hui. Entre plusieurs anciens bâtiments, il y a un temple qui est aussi entier et aussi peu offensé de l'injure du temps comme s'il ne venait que d'être fait. L'ordre et la structure en sont admirables. Sa forme est ovale et par dehors aussi bien que par dedans, il est soutenu par 3 rangs de colonnes de marbre garnies de leurs bases et chapiteaux. Derrière chaque colonne, il y a un pilastre qui en suit l'ordonnance et la proportion. Les chrétiens du pays disent que ce temple est celui-là même qui était dédié au Dieu inconnu dans lequel saint Paul prêcha. À présent, il sert de mosquée et les Turcs y vont faire leurs oraisons. Cette ville jouit d'un air doux et les astres les plus malfaisants se dépouillent de leur mauvaise influence quand ils regardent cette contrée. Ce que l'on peut connaître aisément, tant par la fertilité du pays que par les marbres et les pierres qui, depuis si longtemps qu'elles sont exposées à l'air, ne sont aucunement rongées ni endommagées. L'on dort à la campagne, la tête découverte, sans en recevoir nulle incommodité. Enfin, l'air qu'on y respire est si agréable et si tempéré que l'on y reconnaît beaucoup de changements lorsque l'on s'en éloigne. Quant aux habitants du pays, ce sont tous Grecs, qui sont cruellement et barbarement traités par les Turcs qui y demeurent, encore qu'ils soient en petit nombre. Il y a un cadi qui rend la justice, un prévôt appelé Soubachi, et quelques janissaires que l'on y envoie de la porte, de 3 mois en 3 mois. Tous ces officiers firent beaucoup d'honneur au sieur Dehé lorsque nous y passâmes et le défrayèrent aux dépens du grand seigneur. En sortant d'Athènes, on traverse cette grande plaine, qui est toute remplie d'oliviers et arrosée de plusieurs ruisseaux qui en augmentent la fertilité. Après avoir marché une bonne heure, on arrive sur la marine, où il y a un grand port fort excellent qui était autrefois fermé par une chaîne. Ceux du pays l'appellent le port Lion, à cause d'un grand lion de pierre que l'on y voit encore aujourd'hui. Mais les anciens le nommaient le port du Pirée. C'était en ce lieu que les Athéniens assemblaient leur flotte et qu'ils s'embarquaient ordinairement. L'ignorance du secrétaire de Dehé, car ce n'est pas Dehé lui-même qui écrit, est singulière. Mais on voit de quelle admiration profonde on était saisi à l'aspect des monuments d'Athènes, lorsque le plus beau de ces monuments existait encore dans toute sa gloire. L'établissement de nos consuls dans l'Attique précède le passage de Dehé de quelques années. J'ai cru d'abord que Stoschov avait vu Athènes en 1630, mais en conférant son texte avec celui de Dehé, je me suis convaincu que le gentilhomme flamand n'avait fait que copier l'ambassadeur français. Le père Antoine Pacifique donna en 1636 à Venise sa description de la Morée, ouvrage sans méthode où Sparte est prise pour Misitran. Quelques années après, nous voyons arriver en Grèce ces missionnaires qui portaient dans tous les pays le nom, la gloire et l'amour de la France. Les jésuites de Paris s'établirent à Athènes vers l'an 1645. Les capucins s'y fixèrent en 1658. Et en 1669, le père Simon acheta la lanterne de Démosthène qui devint l'hospice des étrangers. De Monceau parcourut la Grèce en 1668. Nous avons l'extrait de son voyage imprimé à la suite du voyage de Bruin. Il a décrit des antiquités, surtout dans la Morée, dont il ne reste aucune trace. De Monceau voyageait avec l'aîné par ordre de Louis XIV. Au milieu des œuvres de la charité, nos missionnaires ne négligeaient point les travaux qui pouvaient être honorables à leur patrie. Le père Babin, jésuite, donna en 1672 une relation de l'état présent de la ville d'Athènes. Spon en fut l'éditeur. On n'avait rien vu jusqu'alors d'aussi complet et d'aussi détaillé sur les antiquités d'Athènes. L'ambassadeur de France à la porte, M. de Nointel, passa à Athènes dans l'année 1674. Il était accompagné du savant orientaliste Galland. Il fit dessiner les bas-reliefs du Parthénon. Ces bas-reliefs ont péri et l'on est trop heureux d'avoir aujourd'hui les cartons du marquis de Nointel. Ils sont pourtant demeurés inédits, à l'exception de celui qui représente les frontons du temple de Minerve. Guillet publia en 1675, sous le nom de son prétendu frère, la Guillotière, l'Athènes ancienne et moderne. Cet ouvrage, qui n'est qu'un roman, fit naître une grande querelle parmi les antiquaires. Spon découvrit les mensonges de Guillet, celui-ci se fâcha et écrivit une lettre en forme de dialogue contre les voyages du médecin lyonnais. Spon ne garda plus de ménagement, il prouva que Guillet ou la Guillotière n'avait jamais mis le pied à Athènes, qu'il avait composé sa rhapsodie sur des mémoires demandées à nos missionnaires et produisit une liste de questions envoyées par Guillet à un capucin de Patras. Enfin, il donna un catalogue de 112 erreurs, plus ou moins grossières, échappées à l'auteur d'Athènes ancienne et moderne dans le cours de son roman. Guillet ou la Guillotière ne mérite donc aucune confiance comme voyageur. Mais son ouvrage, à l'époque où il le publia, ne manquait pas d'un certain mérite. Guillet fit usage des renseignements qu'il obtint des pères Simon et Barnabé, l'un et l'autre missionnaires à Athènes, et il cite un monument, le Fanari tu Diogenis, qui n'existait déjà plus du temps de Spon. Le voyage de Spon et de Veller, exécuté dans les années 1675-1676, parut en 1678. Tout le monde connaît le mérite de cet ouvrage où l'art et l'antiquité sont traités avec une critique jusqu'alors ignorée. Le style de Spon est lourd et incorrect, mais il a cette candeur et cette démarche aisée qui caractérisent les écrits de ce siècle. Le comte de Winchelsey, ambassadeur de la cour de Londres, visita Athènes dans cette même année 1676 et fit transporter en Angleterre quelques fragments de sculptures. Tandis que toutes les recherches se dirigeaient vers l'Attique, la Laconie était oubliée. Guillet, encouragé par le débit de ses premiers mensonges, donna en 1676 Lacédémone ancienne et moderne. Mercius avait publié ses différents traités, De Populis Atticae, De Festis Graecorum, etc. Et il fournissait ainsi une érudition toute préparée à quiconque voulait parler de la Grèce. Le second ouvrage de Guillet est rempli de bévues énormes sur les localités de Sparte. L'auteur veut absolument que Misitra soit Lacédémone, et c'est lui qui a accrédité cette grande erreur. Cependant, dit Spon, Misitra n'est point sur le plan de Sparte, comme je le sais de M. Giraud, de Vernon et d'autres, etc. Giraud était consul de France à Athènes depuis 18 ans, lorsque Spon voyageait en Grèce. Il savait le turc, le grec vulgaire et le grec littéral. Il avait commencé une description de la Morée, mais comme il passa au service de la Grande-Bretagne, il est probable que ses manuscrits sont tombés entre les mains de ses derniers maîtres. Il ne reste de Vernon, voyageur anglais, qu'une lettre imprimée dans les Philosophical Transactions, 24 avril 1676. Vernon trace rapidement le tableau de ses courses en Grèce. Sparte, dit-il, est un lieu désert. Misitra, qui en est éloignée de 4 000, est habitée. On voit à Sparte presque toutes les murailles des tours et des fondements de temples, avec plusieurs colonnes démolies aussi bien que leurs chapiteaux. Il y reste encore un théâtre tout entier. Elle a eu autrefois 5 000 de tours et elle est située à un demi-quart de lieue de la rivière Eurotas. On doit observer que Guillet indique dans la préface de son dernier ouvrage plusieurs mémoires manuscrits sur la Cédémone. Les moins défectueux, dit-il, sont entre les mains de M. Saint-Chalier, secrétaire de l'ambassade de France en Piémont. Nous voici arrivés à une autre époque de l'histoire de la ville d'Athènes. Les voyageurs que nous avons cités jusqu'à présent avaient vu dans toute leur intégrité quelques-uns des plus beaux monuments de Périclès. Pocock, Chandler, le roi, n'en ont plus admiré que les ruines. En 1687, tandis que Louis XIV faisait élever la colonnade du Louvre, les Vénitiens renversaient le temple de Minerve. Je parlerai dans l'itinéraire de ce déplorable événement, fruit des victoires de Königsmarck et de Morosini. Cette même année, 1687, vit paraître à Venise la Notitia del Ducato d'Athénée, de Pierre Pacifique, mince ouvrage, sans critique et sans recherche. Le père Coronelli, dans sa description géographique de la Morée, reconquise par les Vénitiens, a montré du savoir, mais il n'apprend rien de nouveau et il ne faudrait pas suivre aveuglément ses citations et ses cartes. Les petits faits d'armes vantés par Coronelli font un contraste assez piquant avec les lieux célèbres qui en sont le théâtre. Cependant, on remarque, parmi les héros de cette conquête, un prince de Turenne qui combattit près de Pylos, dit Coronelli, avec cette bravoure naturelle à tous ceux de sa maison. Coronelli confond Sparte avec Misitra. L'Athénée Antica de Fanelli prend l'histoire d'Athènes à son origine et l'amène jusqu'à l'époque où l'auteur écrivait son ouvrage. Cet ouvrage est peu de choses considérées sous le rapport des Antiquités, mais on y trouve des détails curieux sur le siège d'Athènes par les Vénitiens en 1687 et un plan de cette ville dont Chandler paraît avoir fait usage. Paul Lucas jouit d'une assez grande renommée parmi les voyageurs et je m'en étonne. Ce n'est pas qu'il m'amuse par ses fables, les combats qu'il rend lui tout seul contre 50 voleurs, les grands ossements qu'il rencontre à chaque pas, les villes de géants qu'il découvre, les 3 ou 4 000 pyramides qu'il trouve sur un grand chemin et que personne n'avait jamais vues sont des contes divertissants. Mais du reste, il estropie toutes les inscriptions qu'il rapporte. Ses plagiats sont continuels et sa description de Jérusalem est copiée mot à mot de celle de Dehay. Enfin, il parle d'Athènes comme s'il ne l'avait jamais vue. Ce qu'il en dit est un des contes les plus insignes que jamais voyageur se soit permis de débiter. Ces ruines, comme on peut le juger, sont la partie la plus remarquable. En effet, quoique les maisons y soient en grand nombre et que l'air y soit admirable, il n'y a presque point d'habitants. Il y a une commodité qu'on ne trouve point ailleurs. Y demeure qui veut et les maisons s'y donnent sans que l'on en paye aucun loyer. Au reste, si cette ville célèbre est de toutes les anciennes celle qui a consacré le plus de monuments à la postérité, on peut dire que la bonté de son climat en a aussi conservé plus qu'en aucun autre endroit du monde, au moins de ceux que j'ai vus. Il semble qu'ailleurs on se soit fait un plaisir de tout renverser, et la guerre a causé presque partout des ravages qui, en ruinant les peuples, ont défiguré tout ce qu'ils avaient de beau. Athènes seule, soit par le hasard, soit par le respect que l'on devait naturellement avoir pour une ville qui avait été le siège des sciences et à laquelle tout le monde avait obligation, Athènes, dis-je, a été seule épargnée dans la destruction universelle. On y rencontre partout des marbres d'une beauté et d'une grandeur surprenantes, ils y ont été prodigués et l'on y trouve, à chaque pas, des colonnes de granit et de jaspe. Athènes est fort peuplée, les maisons ne s'y donnent point, on n'y rencontre point à chaque pas des colonnes de granit et de jaspe. Enfin, 17 ans avant l'année 1704, les monuments de cette ville célèbre avaient été renversés par les Vénitiens. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'on possédait déjà les dessins de M. de Nointel et le voyage de Spon, lorsque Paul Lucas imprima cette relation digne des 1001 nuits. La relation du voyage du sieur pèlerin dans le royaume de Morée est de 1718. L'auteur paraît avoir été un homme de petite éducation et d'une science encore moins grande. Son misérable pamphlet de 182 pages est un recueil d'anecdotes galantes, de chansons et de mauvais vers. Les Vénitiens étaient restés maîtres de la Morée depuis l'an 1685. Ils la perdirent en 1715. Pellegrin a tracé l'histoire de cette dernière conquête des Turcs, c'est la seule chose intéressante de sa relation. L'abbé Fourmont alla, par ordre de Louis XV, chercher au Levant des inscriptions et des manuscrits. Je citerai dans l'itinéraire quelques-unes des découvertes faites à Sparte par ce savant antiquaire. Son voyage est resté manuscrit, et l'on n'en connaît que des fragments. Il serait bien à désirer qu'on le publiât, car nous n'avons rien de complet sur les monuments du Péloponnèse. Pocock visita Athènes en revenant de l'Égypte. Il a décrit les monuments de l'Attique avec cette exactitude qui fait connaître les arts sans les faire aimer. Wood, Hawkins et Bouverick faisaient alors leur bon voyage en l'honneur d'Homère. Le premier voyage pittoresque de la Grèce est celui de Leroy. Chandler accuse l'artiste français de manquer de vérité dans quelques dessins. Moi-même, je trouve dans ces dessins des ornements superflus. Les coupes et les plans de Leroy n'ont pas la scrupuleuse fidélité de ceux de Stuart. Mais à tout prendre, son ouvrage est un monument honorable pour la France. Leroy avait vu Lacédémone, qu'il distingue fort bien de Misitra et dont il reconnut le théâtre et le dromos. Je ne sais si les « Ruins of Athens » de Robert Sayer ne sont point une traduction anglaise et une nouvelle gravure des planches de Leroy. J'avoue également mon ignorance sur le travail de Pars, dont Chandler fait souvent l'éloge. L'an 1761, Stuart enrichit sa patrie de l'ouvrage si connu sous le titre de « Antiquities of Athens ». C'est un grand travail, utile surtout aux artistes, et exécuté avec cette rigueur de mesure dont on se pique aujourd'hui. Mais l'effet général des tableaux n'est pas bon. La vérité qui se trouve dans les détails manque dans l'ensemble. Le crayon et le burin britanniques n'ont point assez de netteté pour rendre les lignes si pures des monuments de Périclès. Il y a toujours quelque chose de vague et de mou dans les compositions anglaises. Quand la Seine est placée sous le ciel de Londres, ce style vaporeux a son agrément, mais il gâte les paysages éclatants de la Grèce. Le voyage de Chandler qui suivit de près les antiquités de Stuart, pourrait dispenser de tous les autres. Le docteur anglais a déployé dans son travail une rare fidélité, une érudition facile et pourtant profonde, une critique saine, un jugement exquis. Je ne lui ferai qu'un reproche, c'est de parler souvent de Weller et de n'écrire le nom de Spon qu'avec une répugnance marquée. Spon vaut bien la peine qu'on parle de lui quand on cite le compagnon de ses travaux. Chandler, comme savant et voyageur, aurait dû oublier qu'il était anglais. Il a donné, en 1805, un dernier ouvrage sur Athènes que je n'ai pu me procurer. Riedessel parcourut le Péloponnèse et l'Attique dans l'année 1773. Il a rempli son petit ouvrage de beaucoup de grandes réflexions sur les mœurs, les lois, la religion des Grecs et des Turcs. Le baron allemand voyageait dans la Morée, 3 ans après l'expédition des Russes. Une foule de monuments avait péri à Sparte, à Argos, à Mégalopolis, par une suite de cette invasion, comme les antiquités d'Athènes ont dû leur dernière destruction à l'expédition des Vénitiens. Le premier volume du magnifique ouvrage de M. de Choiseul parut au commencement de l'année 1778. Je citerai souvent cet ouvrage avec les éloges qu'il mérite dans le cours de mon itinéraire. J'observe ici seulement que M. de Choiseul n'a point encore donné les monuments de l'Attique et du Péloponnèse. L'auteur était à Athènes en 1784. Ce fut, je crois, la même année que M. Chabert détermina la latitude et la longitude du temple de Minerve. Les recherches de messieurs Fouchereau et Fauvel commencent vers l'année 1780 et se prolongent dans les années suivantes. Les mémoires du dernier voyageur font connaître des lieux et des antiquités jusqu'alors ignorées. M. Fauvel a été mon hôte à Athènes, et je parlerai ailleurs de ses travaux. Notre grand helléniste, Danse de Villoison, parcourut la Grèce à peu près à cette époque. Nous n'avons point joui du fruit de ses études. M. le Chevalier passa quelques moments à Athènes dans l'année 1785. Le voyage de M. Scrofani porte le cachet du siècle. C'est-à-dire qu'il est philosophique, politique, économique, etc. Il est nul pour l'étude de l'Antiquité, mais les observations de l'auteur sur le sol de la Morée, sur sa population, sur son commerce, sont excellentes et nouvelles. Au temps du voyage de M. Scrofani, deux Anglais montèrent à la cime la plus élevée du Tejet. En 1797, messieurs Dixo et Niccolo Stefanopoli furent envoyés à la République de Maïna par le gouvernement français. Ces voyageurs font un grand éloge de cette République sur laquelle on a tant discouru. J'ai le malheur de regarder les Maniotes comme un assemblage de brigands, slavons d'origine, qui ne sont pas plus les descendants des anciens Spartiates que les Druzes ne sont les descendants du comte de Dreux. Je ne puis donc partager l'enthousiasme de ceux qui voient dans ces pirates du Tejet les vertueux héritiers de la liberté lacédémonienne. Le meilleur guide pour la Morée serait certainement M. Pouqueville, s'il avait pu voir tous les lieux qu'il a décrits. Malheureusement, il était prisonnier à Tripolitsa. Alors, l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, Lord Elgin, faisait faire en Grèce les travaux et les ravages que j'aurai occasion de louer et de déplorer. Peu de temps après lui, ses compatriotes Swinton et Hawkins visitèrent Athènes, Sparte et Olympie. Les fragments pour servir à la connaissance de la Grèce actuelle terminaient la liste de tous ses voyages avant la publication des « Lettres sur la Morée » par M. Castellan. Résumons maintenant en peu de mots l'histoire des monuments d'Athènes. Le Parthénon, le Temple de la Victoire, une grande partie du temple de Jupiter olympien, un autre monument appelé par Guillet la lanterne de Diogène, furent vus dans toute leur beauté par Zygomalas, Cabasilas et Déhay. De Monceau, le marquis de Nointel, Galland, le père Babin, Spon et Waller admirèrent encore le Parthénon dans son entier. Mais la lanterne de Diogène avait disparu et le temple de la Victoire avait sauté en l'air par l'explosion d'un magasin de poudre. Il n'en restait plus que le fronton. Pocock, le roi, Stuart, Chandler trouvèrent le Parthénon à moitié détruit par les bombes des Vénitiens et le fronton du Temple de la Victoire abattu. Depuis ce temps, les ruines ont toujours été croissantes. Je dirai comment Lord Elgin les a augmentées. L'Europe savante se console avec les dessins du marquis de Nointel, les voyages pittoresques de Leroy et de Stuart. M. Fauvel a moulé deux cariatides du Pandroséum et quelques bas-reliefs du temple de Minerve. Une métope du même temple est entre les mains de M. de Choiseul. Lord Elgin en a enlevé plusieurs autres qui ont péri dans un naufrage à Sérigo. M. Swinton et Hawkins possèdent un trophée de bronze trouvé à Olympie. La statue mutilée de Cérès et Leusine est aussi en Angleterre. Enfin, nous avons en terre cuite le monument choragique de Lysicrate. C'est une chose triste à remarquer que les peuples civilisés de l'Europe ont fait plus de mal aux monuments d'Athènes dans l'espace de 150 ans que tous les barbares ensemble dans une longue suite de siècles. Il est dur de penser qu'Alaric et Mahomet II avaient respecté le Parthénon et qu'il a été renversé par Morosini et Lord Elgin. Fin de la section 5.